Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit là tout de suite et jusqu'à 14h avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cairn, c'est pas du tout un acronyme. Un cairn, qui était un cairn, donc vous savez, des monticules de pierre qui sont destinés à baliser les chemins de montagne. Un cairn, on ne le fait pas pour soi. Le principal destinataire, le principal bénéficiaire n'est pas celui qui le fait, mais celui qui va suivre. Cette semaine, une histoire de portail. Et donc nous, notre vocation en tant qu'éditeurs de sciences humaines, c'est des passeurs d'idées, des passeurs d'idées nouvelles, de faire connaître des réalités. Il y a tout un monde de la recherche qu'il faut faire connaître au public spécialisé, mais aussi au grand public. Et on s'est dit, peut-être qu'il peut y avoir des solutions du côté du numérique. Aucun des auteurs, en tout cas, ou très peu, vraiment très très peu, ne s'oppose à la mise en ligne de leurs travaux, en disant, a priori, c'est une bonne nouvelle. Même type d'accueil chez les bibliothèques qui nous disent, enfin une offre de langue française au format numérique pour des revues qui sont importantes. De l'édition. Mais dans le futur, ce qui est certain, c'est que il y aura des pôles thématiques qui répondent à des besoins vraiment de recherche assez précis, je pense. À la diffusion. Le Japon est un cas d'étude assez intéressant puisque on comptabilise aujourd'hui une vingtaine d'universités japonaises ayant souscrit à une licence d'accès à la collection de revues sur Cairn Info. Comment faire circuler la recherche ? À l'heure d'une nouvelle rentrée d'Histoire Vivante, il nous a paru intéressant de donner la parole non pas à ceux qui cherchent, les chercheurs, mais à ceux qui font circuler la recherche. Imaginez une sorte de Netflix pour les sciences humaines, un portail permettant d'aller faire ses courses, mais également de profiter d'une grande masse de documents accessibles gratuitement. Une adresse d'abord destinée aux chercheurs, aux bibliothèques, mais également, et à titre personnel je peux en témoigner, qui permet de se nourrir, de lire, de réfléchir dans quantité de directions. Une semaine comme un encouragement qui vous est adressé à aller y voir. Histoire vivante, cette semaine, une histoire de portail. Aujourd'hui, entretien avec François Gèze, PDG des éditions de La Découverte, et Marc Minon, directeur de Cairn Info. Donc je suis François Gèze, j'ai dirigé une maison d'édition qui s'appelle La Découverte depuis 81-82 jusqu'à 2014. J'ai toujours travaillé pour cette maison d'édition de sciences humaines. Et depuis 2005, depuis que nous avons créé Cairn.info, j'en suis le président. Mais alors vous me dites ça comme si ça avait été, je ne sais pas, un peu comme Jeanne d'Arc, tout d'un coup une illumination, je vais faire d'édition, c'est vers ça que je me dirige. Ça s'est fait comment pour vous ? Ah, l'édition, comment je suis rentré dans l'édition ? Par hasard. Ah voilà. Tout à fait par hasard, puisque au départ, moi j'ai une formation d'ingénieur, j'étais économiste, mais j'étais aussi militant, engagé dans des actions de solidarité internationale dans les années 70, pour l'Amérique latine, pour plein de pays. Bon. Et c'est par ce cadre-là que j'ai connu François Maspero, qui avait créé sa maison en 59, et qui m'a demandé de venir l'aider, ce que j'ai fait, puis finalement il m'a demandé de prendre sa succession en prenant son nom, et qui est, donc la maison est restée, c'était la sienne, mais elle est devenue La Découverte. Et ensuite, ben, j'ai essayé de la faire vivre, et je l'ai fait vivre. Elle vit toujours aujourd'hui, c'est une belle maison qui marche bien. Voilà. Donc, je suis Marc Minon, je suis directeur de Cairn. Et qu'est-ce qui m'a... Je suis non seulement directeur, je suis cofondateur avec Jean-Baptiste de Vatter, qui a participé avec moi en 2005 à la création de cette entreprise de ce portail de revues de sciences humaines et sociales. Je m'appelle Jérémy Roche et je m'occupe chez Cairn de la diffusion, de la commercialisation de la plateforme à l'international, c'est-à-dire hors des bassins francophones. Je suis Thomas Parizeau et je suis chargé des relations institutionnelles chez Cairn Info, donc la plateforme des publications de sciences humaines et sociales. Et si on remonte dans le temps, avant que vous n'arriviez ici, vous êtes passé par quel chemin ? Aviez-vous des idées extrêmement précises dans la tête, une destinée comme ça qui vous était déjà écrite ou ça a été un peu tâtonnant ? Alors, un peu tâtonnant, effectivement, un peu pour être honnête. Je suis passé par classe préparatoire en France hein, avec une formation théorique qui m'a beaucoup plu. Hein, on avait beaucoup de cours et de choses qui m'avaient marqué avec Pascal, Bourdieu notamment déjà à ce moment-là qui... beaucoup d'éléments qui m'avaient marqué, mais je me destinais plutôt à une formation plus généraliste, comme donc les grandes écoles. J'ai fait modestement une école de management en France, à Lyon, avec assez tôt, par contre, tout de suite, un petit goût pour cette aventure qu'est l'édition. Donc j'ai travaillé un petit peu à Londres, dans un magazine de tourisme. Mais comment vous la rencontrez, l'édition ? C'est dans le cours des études ? Dans le cours des études, ouais. Avec une appétence pour une espèce de synthèse entre le contenu, d'une certaine façon, et la problématique de sa diffusion, sa mise en évidence. Les articulations vous intéressent donc ? Beaucoup, effectivement, oui, je pense. Un peu des zones de contact. Je pense que j'ai moi-même un profil peut-être un peu d'interface, une capacité peut-être, modestement, à m'adapter et à rentrer en contact avec différents environnements, peut-être à essayer de saisir différents environnements. Et à les traduire. Et à les traduire, peut-être, effectivement. Peut-être un petit esprit de synthèse qu'on nous donne beaucoup dans ces formations initiale française. Donc voilà, à Londres et puis aux éditions Gallimard, assez rapidement, pour essayer d'être un peu au cœur de ce qui m'apparaissait à l'époque comme un des symboles forts de ce monde de l'édition français. Et pourtant, vous aviez peu d'expérience pour entrer dans une maison si légendaire. C'est vrai. Alors je pense que j'ai eu un peu de chance dans mon parcours, avec une capacité peut-être à être au bon moment, au bon endroit, qui est bien indépendante de moi. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, un peu ce qui est arrivé avec Cairn, puisque après Gallimard et après mon expérience à Londres dans le monde plutôt de la presse spécialisée, c'est vraiment le hasard qui m'a conduit à m'intéresser à ce projet un peu ovni à l'époque. On est en 2004, au moment où le projet se formalise d'une certaine façon. Comment l'apprenez-vous ? Eh bien, je tombe bizarrement sur une annonce sur le site de l'Association des éditeurs belges. Donc ça vraiment pour... faut vraiment y arriver. Modestement, je me suis finalement perdu un peu sur Internet et je suis tombé sur cette annonce qu'avait postée à l'époque Marc Minon, qui créait le projet, qui était à la recherche d'un employé. Modestement, je lui proposais d'être stagiaire dans cette structure, donc je comprenais absolument pas tous les enjeux. On s'est rencontrés à Lyon, Marc m'a expliqué un peu ce qu'était une revue de sciences humaines, ce qu'il pensait essayer de faire avec le numérique, ce qui était un peu ses projets. Et sans comprendre les tenants et aboutissants, ça m'a déjà passionné et j'ai senti l'énergie qui était un peu dans ce projet, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à essayer d'initier ce projet ? Eh bien, en fait, j'avais une expérience dans le domaine d'abord de la production audiovisuelle, puis du conseil et de l'étude sur, disons, les questions de numérisation des biens culturels. J'avais eu ainsi le bonheur de travailler ensemble avec Jean-Pierre et Luc Dardenne à l'époque de leur première réalisation vidéo qu'ils avaient fait avec l'équipe d'Armand Gatti. Après cela, j'avais donc travaillé dans un labo universitaire, dans un cabinet de conseil, et progressivement, j'avais été amené à réaliser des missions de conseil auprès de maisons d'édition. Et notamment, j'avais été amené à travailler avec une maison s'appelant les Éditions de Book, en fait, en Belgique, qui était une maison qui était spécialisée en édition scolaire, en édition universitaire et en édition juridique. C'est-à-dire tout domaine susceptible d'être directement confronté à l'émergence du numérique. Enfin, je veux dire, plus rapidement sans doute que des maisons d'édition de littérature générale. Et qui m'avaient demandé de les accompagner pour penser leur stratégie en la matière. Mais vous ignoriez tout à l'époque, puisque c'était un monde naissant. Voilà, on procédait un peu, effectivement, par... À l'instinct. Un peu à l'instinct, mais aussi un peu, en s'inspirant de ce qui existait dans d'autres secteurs. Dans le secteur, par exemple, les sciences dures. Par exemple, dans le secteur des sciences dures, par exemple aussi dans le domaine musical, dans le domaine de la presse. Bon, on se disait. Et puis, le fait que... J'avais cette expérience de chercheur. Faisait que j'essayais d'imaginer quels étaient les services qui étaient susceptibles de me faire gagner du temps comme chercheur. Voilà, et c'était un peu ça qui, effectivement, c'était l'observation à la fois du mode de fonctionnement de ces entreprises, de ces maisons d'édition, mais c'était aussi... Confronté à votre propre pratique. Exactement. Qu'est-ce qui manque ? qu'est-ce qui me permettrait d'aller un peu plus vite? Exactement. Qu'est-ce qui me ferait perdre moins de temps? Et si vous vous rappelez, hein, on était donc au début des années 2000, alors je suppose que les services à ce moment-là de la Radio Suisse devaient disposer d'un service de documentation où ils recevaient tous les jours des journaux ou des magazines ou des revues, voire des ouvrages, et puis faisaient des fiches dessus, essayaient de les classer, etc. Et c'était, d'une certaine façon, c'était un peu absurde. On voyait bien qu'il y avait là des espoirs possibles en termes de gains d'efficacité dans le travail, des gains de temps et tout. Et donc, on a réfléchi là-dessus et on s'est dit, avec les éditions de Book, mais effectivement, si on essaye de penser ce que sera l'édition universitaire à horizon de, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est clair que les étudiants qui sont nés avec le numérique ne voudront plus se limiter à un ouvrage, un manuel ou une revue sous forme papier. Donc on s'est dit, comment pourrait-on leur proposer de nouveaux services ? François Gèze, selon vous, comment Internet a bouleversé, on va dire globalement, le paysage des publications et plus spécifiquement pour ce qui nous concerne, de la publication scientifique? Internet, disons, le numérique qui passe par Internet, en effet. Ça, c'est un bouleversement considérable puisque... Internet apparaît dans les années 80, mais à l'époque, c'est très peu encore popularisé. Ça ne devient que dans les années 90 que ça devient un média, un outil de masse, n'est-ce pas ? Et que ça se développe surtout après. Et l'édition scientifique va être... Donc, des tonnes de secteurs vont se sentir concernés par ce nouvel outil, par la flexibilité, l'audience nouvelle que peut apporter le numérique et le web. Néanmoins, ça s'est fait progressivement. La presse, par exemple, la presse, la grand public, y est venu, mais y est venu progressivement, parce que le papier est resté dominant pendant longtemps. En revanche, dans ce qu'on appelle l'édition scientifique, ça a commencé par les revues scientifiques et académiques, qui étaient publiées en général en langue anglaise, en physique, en chimie, en biologie, en histoire, que sais-je, toute une série de disciplines, mais surtout des sciences exactes. Et surtout en anglais, puisque ces disciplines se sont internationalisées très tôt, historiquement, pour faire avancer la science, il ne faut pas rester dans son coin ou son pays. Donc l'anglais est devenu la lingua franca des échanges entre scientifiques. Les revues académiques, dont la plupart remontaient au 19e siècle, voire avant, il y a des grandes revues comme ça, petit à petit sont tombées dans les mains d'éditeurs assez puissants, qui ont grossi au fil des années, dans les années 80 et surtout dans les années 90, et qui ont tout de suite compris ce que pouvait apporter le numérique et le web. Et donc, ils ont commencé à numériser, comme on dit, les archives, à passer l'édition en mode numérique tout en gardant le papier. Ils ont construit des plateformes, ça a coûté très très cher, ils ont investi des sommes considérables, mais là, disons, il y avait une vision, une perspective assez visionnaire. Des plateformes de diffusion de ces revues académiques qui, aujourd'hui, pèsent très lourd au plan économique, très très lourd, hein. C'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ces grands groupes. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3-4. Elsevier, Springer Nature, Wired, Taylor et Francis. Francis et Taylor, voilà. Ouais. Ils sont très peu nombreux et ils occupent une place qui est devenue absolument dominante dans l'édition scientifique anglophone mondiale. Histoire vivante, suite des entretiens avec François Gèze et Marc Minon. Marc Minon, pourriez-vous nous donner l'origine de ce curieux mot, cairn, qui s'écrit C-A-I-R-N. Voilà, donc bien volontiers. Hein. Donc CAIRN, c'est pas du tout un acronyme. Hein. C'est plutôt une analogie ou une double analogie. Et l'histoire, en fait, de cette analogie, c'est donc l'histoire d'une balade qui a eu lieu, donc, sans doute, dans les années 2004, 2003, 2004, un peu avant que nous créions la société et le portail. C'est une balade avec que je faisais, en fait, en Corse, avec ma fille. Et puis, à un moment, on était un peu perdus, jusqu'à l'instant où on a retrouvé un cairn qui était un cairn, donc vous savez, des monticules de pierre qui sont généralement destinés à baliser les chemins de montagne. Et donc on a retrouvé un cairn qui était un peu cassé, qui avait été cassé par l'orage ou par le passage d'un animal, que sais-je. Mais au moins vous indiquez le chemin. Oui, enfin, c'était plus très visible. Alors, ma fille, donc, plein de l'enthousiasme de la jeunesse, en fait, alors que moi, j'étais déjà content d'avoir retrouvé le cairn et était prêt à poursuivre mon chemin, s'était arrêté et puis reconstruisait, donc, gentiment ce cairn. Et puis, en le regardant, je me suis dit qu'en fait, c'était, d'une certaine façon, adapté au projet d'entreprise que je voulais créer. C'est-à-dire que je me disais, en gros, ce qu'elle fait, c'est d'abord, elle montre le chemin. Et que sur Internet, il est essentiel d'avoir des ressources, en fait, ce qu'on appelle, dans le jargon de l'Internet, des curateurs. C'est-à-dire des personnes, des sociétés qui montrent que sur Internet, toute ressource ne vaut pas toute autre ressource. Et comme le nom Repère avait déjà été choisi dans le secteur de l'édition, par la collection que vous connaissez aux éditions de la Découverte, je me disais, tiens, cairn, ça peut faire sens. Et puis l'autre analogie derrière, c'était effectivement son réflexe de jeune fille de se dire, tiens, je vais participer à la reconstruction de ce cairn. C'est-à-dire qu'un cairn, on ne le fait pas pour soi, on le fait en fait pour les personnes qui vont suivre. Et que, d'une certaine façon, la recherche intellectuelle, le travail scientifique, c'est un peu cela. C'est-à-dire que, a priori, le principal destinataire, le principal bénéficiaire, n'est pas celui qui le fait, mais celui qui va suivre. François Gèze, vous concernant vous, à l'endroit où vous vous trouvez, au moment où ça se passe, quelle est votre première réaction ? Est-ce que vous prenez le bateau assez tardivement? Est-ce que vous anticipez vous également? Est-ce que comment vous regardez cette transition technologique? Bon, on a anticipé. On a beaucoup anticipé. Moi, par exemple, vous voyez, les premières publications numériques que j'ai faites, c'est à la fin des années 80. Je publiais une encyclopédie qui s'appelle L'état du monde. Et au bout d'un certain nombre d'années, sur l'état de la situation dans tous les pays du monde, n'est-ce pas? Et donc on s'est dit, ça serait bien de l'avoir aussi sous forme numérique. Donc on a fait un CD-ROM avec tous les bouquins accumulés. Après, j'ai fait d'autres CD-ROM. À l'époque, on faisait des CD-ROM. On appelait ça comme ça, n'est-ce pas ? Où on mettait des bouquins, des vidéos, des trucs et des machins. C'était un apprentissage, en quelque sorte, de ce que sera ce que deviendra le web. Et puis, on était quelques-uns, quand même, éditeurs universitaires, français pour l'essentiel, 4, 5, 6, peut-être, à nous préoccuper de ces questions-là. On voyait bien que ce paysage de l'édition scientifique, en sens exact, évoluait mondialement de façon vertigineuse. Et nous, dans le même temps, on avait des soucis sur les ventes de nos livres et de nos revues, et en particulier des revues académiques, qui déclinaient régulièrement, pour diverses raisons, mais des problèmes de budget des bibliothèques, d'habitude de lecture des étudiants et des chercheurs, etc., etc. Et donc on se disait, on a un souci. On a un souci si on continue comme ça et qu'on ne fait rien. Tout simplement, nos publications pourra peut-être ne plus les faire. Et donc, nous, notre vocation en tant qu'éditeurs de sciences humaines, c'est d'être des passeurs d'idées nouvelles, de faire connaître des réalités. Il y a tout un monde de la recherche qu'il faut faire connaître au public spécialisé, mais aussi au grand public. Et une maison comme La Découverte se positionne exactement, veut toucher les deux publics, parce qu'il n'y a pas de rupture, de solution de continuité entre les deux. C'est très très important. Quelquefois, moi ça m'est arrivé de publier des livres très pointus, de chercheurs très pointus, lisibles uniquement par leur pair, mais le même auteur peut se laisser convaincre de faire une version, non pas vulgarisée, mais une version lisible par un public plus large, et il va élargir son audience de la sorte, parce que les idées, elle circule sous diverses formes et c'est important de maintenir et de contrôler toutes ces formes. Voilà. Et donc à ce moment-là, on était quelques-uns à se poser des questions sur l'avenir de nos métiers, d'une certaine façon, de ce qu'on faisait. Et on s'est dit peut-être qu'il peut y avoir des solutions du côté du numérique. Et donc on faisait tous déjà du numérique, CD-ROM comme ça, avec un succès relatif mais pas considérable. Et on s'est dit, bon, il faut passer maintenant il y a Internet. Voilà, on est au début des années 2000. Internet commence à bien s'installer. On était même au moment de la bulle Internet, je sais pas, qui a explosé peu après. 2000-2001. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a travaillé, on a fait des études avec des universitaires. On a bossé pendant, je sais pas, 2-3 ans au moins. Et pour arriver à la conclusion que dans notre domaine, le numérique et la diffusion numérique en ligne pouvaient représenter un avenir pour nos publications, mais qu'il fallait pas le faire n'importe comment. Et l'idée qu'on a eue, c'est de dire, finalement, on a regardé de près ce que faisaient nos confrères mondiaux, mondialisés. On s'est dit, pourquoi, si on veut utiliser l'opportunité du numérique, il faut commencer par les revues. Et par les revues, souvent académiques, qui se vendent de moins en moins. Plutôt les revues que les ouvrages, Plutôt les revues que les ouvrages, en effet. Parce que sur les revues, il y a un modèle technico-économique qui a déjà été rodé par nos confrères, alors qu'il faut adapter, bien entendu, mais au moins on voit qu'il y a une perspective. Tandis que pour les bouquins, pour l'instant, il n'y a rien de tel. Des bibliothèques numériques, ça n'existait pas vraiment encore. Il n'y avait pas l'habitude non plus de lire sur des écrans, des livres entiers. Et donc, on a fait ça. On s'est réunis alors là-dessus. C'est Marc Minon qui sera le directeur jusqu'à cette année de Kern, qui est à l'origine du lancement de l'opération, avec le soutien des éditions De Book en Belgique, qui ont joué un rôle moteur principal dans cette initiative, et puis trois autres éditeurs français, Belin, Erès, qui est un éditeur de psychologie, qui est à Toulouse, et donc les éditions La Découverte. Voilà. Et on s'est remis tous les quatre, on a trouvé des financeurs qui ont complété notre propre financement, et on a lancé l'affaire en 2005. Et on a dit, ce qu'on va faire, on va utiliser le principe de la barrière mobile, c'est-à-dire on ne va faire payer que les 2, 3 ou 4 dernières années de parution des publications que les éditeurs qui utilisent la plateforme publient. Et après, les archives, donc, deviennent gratuites. Et dès le début, on avait des articles gratuits, puisqu'en fait, on a fait un énorme effort de rétro-conversion, comme on dit, c'est-à-dire des parutions qui existaient qu'en papier, mais qui n'existaient pas en numérique. Il fallait les passer en numérique, donc c'est du boulot, ça coûte. Voilà. Et on a fait systématiquement, au début, on avait une centaine de revues, dont les archives remontaient jusqu'à 2001. Et donc, ça s'est révélé finalement assez vite un succès. Et on était très contents parce que finalement... Ça tombait bien, si j'ose dire. Ça tombait bien parce qu'on disait, si on ne fait rien, ces revues que nous publions... Alors, quand je parlais des revues académiques, c'est une évidence, mais les revues finalement aussi généralistes, comme les plus connues en France, Esprit, Le Débat, Commentaire, qui vendaient beaucoup plus que les revues académiques, mais quand même... qui connaissaient déjà une certaine érosion de leur vente. Mais alors, pour les revues académiques, on voyait bien, en librairie, où on avait longtemps bien vendu en librairie ce type de revues. Par exemple, nous, on publiait la revue Hérodote, qui existe toujours aujourd'hui, que Yves Lacoste avait créé chez François Maspero en 76. Et dans les années 80, et même encore dans les années 90, ça se vendait à par milliers d'exemplaires. Il y avait 1500 abonnés. Enfin, c'était une audience considérable. Et on voyait bien qu'à partir du milieu des années 90, boum, les abonnements ont commencé à descendre fortement, les ventes en librairie tout autant. Le nombre de libraires en France et dans les pays francophones, Suisse, Belgique, qui vendaient des revues a aussi diminué, parce que tout simplement ils avaient moins de clients. Donc on s'est dit, là on file un mauvais coton. Si on fait rien, comme l'érosion des ventes librairie et abonnements est linéaire, la diminution est linéaire, ça, on va devoir arrêter ces revues. Au-delà du constat, François Gèze, on a peut-être la distance aujourd'hui pour comprendre et s'interroger sur ce fléchissement. Ce n'était pas le contenu qui était en cause, c'était quoi de la part de l'acheteur, du consommateur? Le prix Non. Je dirais les pratiques de rapport au savoir, pour parler de façon très large, n'est-ce pas? Parce que ça soit les étudiants en premier cycle, en première année, ou les étudiants plus avancés en doctorat ou les chercheurs, leurs pratiques de lecture et d'achat ont beaucoup évolué au fil des années 80. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, les jeunes qui lisaient beaucoup, les jeunes étudiants des années 70, ils constituaient leur propre bibliothèque. Okay, ils achetaient des bouquins, ils les lisaient, et les entassaient dans leur bibliothèque, dans leur salon, etc. Certains ont gardé, alors qu'ils maintenant sont des retraités, des bibliothèques de cette époque-là, avec les murs tapissés de livres. Bon. Excellente acoustique, au contraire d'ici où les murs sont nus, et nous sommes dans les locaux de Cairn. Voilà. Et ça a changé assez radicalement, c'est-à-dire on est passé, comment dire, à un rapport beaucoup plus utilitaire à l'écrit, au savoir, à la transmission du savoir écrit. Plus utilitaire, ça veut dire pour les étudiants, on lit ce qui est nécessaire pour réussir l'examen. Pour les enseignants-chercheurs, on lit ce qui est nécessaire pour faire telle étude, telle étude, telle étude, et on lit pas autre chose. Bon, voilà. Je rentre pas dans les détails, mais ça fait une évolution des pratiques qui s'est traduite par, effectivement, une atomisation, en quelque sorte, des ventes, et puis en plus, ça s'est aggravé par le fait que, ça je l'ai vécu très directement, puisqu'on était une maison d'édition importante en sciences humaines, disons, en sociologie, en histoire, en philo, où, auparavant, ces gens-là, dans les années 60 et 70, un philosophe pouvait lire des bouquins d'économie, qui pouvait lire des bouquins de linguistique, qui pouvait lire des bouquins de sociaux, ok? Donc, ça circulait. Mais les évolutions idéologiques, les évolutions scientifiques, les paradigmes qui montent et qui descendent ont fait que tout d'un coup, à partir du début des années 80, ça a explosé. Et chacun ne lisait plus que ce qui était dans son domaine, voire son sous-domaine. Donc évidemment, ça ne pouvait qu'impacter, comme on dit, les ventes des ouvrages et des revues concernées. Ça ne pouvait que les faire diminuer. Comme dans le même temps, les bibliothèques universitaires, qui étaient quand même l'essentiel des abonnés à ces revues académiques, ont vu leur budget déjà, en tout cas en France, de façon beaucoup plus qu'en Belgique ou en Suisse, fondre. Et de plus, être concurrencé par la nécessité de consacrer ces budgets d'acquisition à des ressources numériques, notamment principalement celles des grands éditeurs scientifiques mondiaux, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont diminué leurs abonnements. Et d'une certaine façon, dans le monde entier, on a vu ça. On avait encore des universités abonnées aux États-Unis qui demandent du papier, mettons. Pareil, même phénomène, ça a diminué, etc. Donc voilà, c'est le marché qui a évolué de telle façon que, bon, c'était comme ça. Et donc on s'est dit, si on ne fait rien, on va devoir arrêter. Ils sont menacés. D'abord, on dit, qu'est-ce qui est le plus menacé? C'est justement ces revues, parce que là, les marchés sont plus petits que pour les livres, d'une part. Et d'autre part, bon, ça tombe bien, c'est pour ce modèle-là d'édition que le numérique peut apporter vraiment du neuf. Et de fait, pour la faire courte, l'argent qui revenait à chaque éditeur pour chaque revue, qui était donc, dont le bouquet était vendu aux bibliothèques universitaires, qui le rendait accessible à leurs étudiants et leurs enseignants, chercheurs, et bien cet argent-là a compensé très souvent, le plus souvent, les baisses des revenus liés au papier, abonnement ou librairie, et qui a permis de maintenir à flot, comme ça, un éventail de revues de sciences humaines et sociales françaises, francophones, je dirais, parce qu'il n'y a pas que des françaises, de qualité, qui n'a pas l'équivalent, je dirais, dans les autres pays, en dehors du monde anglophone, hein, mais je veux dire, mettons en Italie, en Espagne, en Grèce, en Turquie, on n'a pas du tout la même richesse de publication, la même diversité, et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Du fait de la francophonie. Oui, la francophonie, ça aide, mais quand même, on a un marché national déjà qui est quand même très significatif. Plus significatif, mettons, qu'en Espagne, pour les éditeurs espagnols de sciences humaines, que le marché, ils ont l'Amérique latine en plus, mais néanmoins, leurs marchés sont moins forts, moins importants. En Italie, forcément, on parle. Voilà, les publications en italien ne se vendent qu'en Italie. Alors nous, effectivement, on vend en plus Belgique, Suisse, Québec, ce qui joue un rôle tout à fait significatif dans notre économie. Afrique francophone. Afrique francophone, beaucoup moins, parce que malheureusement, là, on a affaire à des pays beaucoup moins solvables, où les universités n'ont pas d'argent, où les étudiants sont fauchés. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, même si ça reste pour nous une priorité. Donc, et après, on a pu passer plus tard aux livres, qui étaient eux-mêmes victimes des mêmes phénomènes d'érosion, et qui ont permis d'élargir notre offre. Demain, nous nous retrouverons à nouveau dans les locaux de Cairn pour poursuivre cette rencontre, sans doute découverte pour beaucoup d'entre vous, se mettre au courant, découvrir, lire une vaste recherche dans le domaine des sciences humaines francophones. C'est donc désormais possible grâce à des portails du type Cairn. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. À demain. Thank you.